بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي المجلس في مجلس الأمس رأينا لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى البشر، نبي أن الله سبحانه وتعالى، بأن أهل العلم قالوا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى البشر لخمس مهام. أولا، أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. ثانيا، أن يبلغوا دين الله للناس. ثالثا، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. رابعا، ليبشروا المؤمنين الطائعين بسعادة الدنيا والآخرة، وينذروا العصاة والمجرمين بعذاب الدنيا. خامسا، ليقيموا حجة الله على الناس، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Hier soir, après salat al-Isha, nous avons vu que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers alayhi salatu wassalam à l'humanité. On a vu que les hommes de science ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers à l'humanité pour cinq points essentiels, pour cinq choses essentielles. D'abord, premièrement, pour appeler les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah. Deuxièmement, pour transmettre la religion d'Allah, Azza wa Jalla, aux gens. Troisièmement, pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière avec l'ordre d'Allah. Quatrièmement, pour annoncer aux croyants et aux obéissants le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, et pour avertir les désobéissants et les criminels et les injustes et les mécréants du châtiment qui les attend dans le delà. Cinquièmement, pour accomplir la preuve d'Allah Azza wa Jal. Comme ça, les gens, le jour de la résurrection, ils n'auront aucune preuve devant Allah Azza wa Jal. كذلك من خصوصية الأنبياء أنهم يدعون إلى الله كما مر. فكيف تكون دعوة الرسل؟ من أين بدأوا؟ ما هي نقطة الانطلاقة؟ ما هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ Donc fait partie de la fonction principale des prophètes عليهم الصلاة والسلام, c'est le fait d'appeler vers Allah عز وجل. Mais maintenant, la question que nous devons poser, d'où ont commencé les prophètes عليهم الصلاة والسلام? Comment les prophètes عليهم الصلاة والسلام ont fait leur دعوة? Par quoi ils ont commencé? C'est quoi leur point de départ? Et c'est quoi la voie qu'ils ont pris pour faire la da'wa vers Allah Azza wa Jal? فَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ نَتَأَسَّى بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ فِي دَعْوَتِهِمْ. قال تعالى في كتابه بعد أن ذكر عددا من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فدون شاك كومينوتي كوم نو لافون فيو هيير الله سبحانه وتعالى انفويي ان افيرتيسور اي ان انونسياتور ان افيرتيسور اي ان انونسياتور اي بور ابلي لي جون فير الله عز وجل فير لو فيت دو ريزيرفي le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre les prophètes et de les suivre aussi dans la voie de da'wa. Et comment ils ont fait da'wa ila Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-An'am, après que Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de prophètes, il est dit dans le verset après, ceux-là, ce sont, c'est en parlant des prophètes, ce sont eux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, suit leur voie. Suit leur voie, il dit, je ne vous demande pas d'argent, ni de récompense pour ce que je fais, ce n'est qu'un rappel pour les mondes. Il est dit dans le verset, et nous t'avons révélé le fait de suivre la voie de Ibrahim, la voie du monothéiste, Ibrahim, et Ibrahim n'était pas parmi les associateurs. Et il est dit dans le verset, dans l'autre verset, vous avez le meilleur des exemples et le meilleur des modèles dans le messager d'Allah. C'est un modèle pour ceux qui croient en Allah, qui espèrent la récompense min Allah Azza wa Jal, et qui croient au-delà, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. فدعوه الانبياء لها مزايا ونحن في زمن عجيب لا بد ان نتذكر كما هو منهج الانبياء وما هي مزايا دعوه الانبياء لان الناس تدعو وهي في مناهجها مخالفه لدعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام فيجب ان نعرف مزيه واوصاف دعوه الانبياء ومنهج الانبياء في الدعوه الى الله حتى نتمكن من تمييز بين المنهج الخاطئ والمنهج والمناهج الخاطئه فهي مناهج كثيره والمنهج ومنهج الصواب دونك لا دعوه دي بروفيت عليه الصلاه والسلام الى دي بارتيكولاريتي اي لي بارتيكولير نو فيفون ان اون ايبوك اكستراوردينير ها où il y a beaucoup de voix, beaucoup de pensées, beaucoup d'idéologies, où sur le terrain il y a beaucoup de voix qui et beaucoup de formes de da'wa ila Allah azza wa jalla. Nous devons connaître la voie de la vérité et la voie authentique et la particularité de la da'wah des prophètes pour pouvoir faire la part des choses. Hein? Et pour pouvoir distinguer la voie véridique de la da'wah des voies fausses et des voies qui ne correspondent pas à la voie du prophète et des prophètes. فالأنبياء تمتاز دعوتهم أولا أنها دعوة ربانية ليست من عند أنفسهم ولا من هواهم بل دعوة الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل إذا أرسل رسولا إلى الناس أوحى إليه برسالة قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لدعوة دي مصر عليه الصلاة والسلام ستين دعوة كيفية من الله عز وجل سيبين دعوة كو Les prophètes eux-mêmes l'ont fondée ou l'ont créée. Là, c'est une voix qui leur vient directement min Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas, ils n'ont pas suivi leur passion ou leur pensée ou leur raisonnement pour créer une voix de da'wa. Mais la forme de la da'wa et la voix de la da'wa chez les prophètes, c'est une révélation min Allah Azza wa Jal. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager à son peuple, vers les gens, il lui révèle un message. Hein? Et il est dit dans le verset, ô prophète, hein, ô messager, transmis ce qui t'a été descendu de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala te protège des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit de notre messager alayhi salatu wassalam, il ne parle pas de ses propres passions, c'est une révélation qui lui a été faite. Donc la da'wa des prophètes alayhi salatu wassalam, déjà à la base, l'origine, c'est une révélation min Allah azza wa jal. ولذلك عندما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام أهل مكة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى قال الكفار ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا قليلا فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. Notre prophète, notre messager, alayhi salatu wassalam, quand il a commencé son prêche avec les gens de la Mecque, et il a prêché les gens de la Mecque, il les a appelés vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal. Ils lui ont dit, ramène un autre Coran que celui-là. Ramène une autre lecture que ça. Ramène un autre livre que celui que tu as entre les mains. Sinon, change-le. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, il ne m'appartient pas de le changer, ni de changer quoi que ce soit. Je ne peux pas le faire. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et j'ai peur, si je désobéis à Allah, qu'il m'arrive un énorme châtiment. Hein? Et j'ai peur du jour du grand châtiment. Hein? Et il dit dans le verset, quand le Coran leur est récité, quand les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les versets clairs leur sont récités, ils disent, ceux qui ne croient pas en la rencontre avec Allah et qui n'espèrent pas la rencontre d'Allah Azza wa Jal, ils disent ramène un autre Coran que celui-là, sinon change-le. Ramène un autre Coran, sinon change-le. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, dis-leur, ils ne m'appartiennent pas de le changer de moi-même. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et j'ai peur, si je désobéis à mon souverain, le châtiment, hein, le jour de la résurrection. Dis, si Allah le voulait, je ne l'aurais même pas récité pour vous. Si Allah subhanahu wa ta'ala le voulait, je ne l'aurais même pas récité pour vous. Et vous ne l'auriez jamais su. Combien avant ce Coran, je suis resté parmi vous. Il a vécu 40 années avant le Coran, avant de leur réciter le Coran. Combien de temps, combien hein, d'années sont passées sans que je vous récite le Coran hein? Mais vous ne raisonnez pas. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la yastati an yubaddila shay'an, an yubaddila ayatan makana ayatin ukhra, lianna hadha wahyin min Allah azza wa jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, notre messager, alayhi salatu wassalam, ne peut rien changer. Il ne peut pas changer un verset et le mettre à la place d'un autre. Ni changer un verset et ramener autre chose de lui-même. C'est impossible parce que ceci, c'est la révélation d'Allah, azza wa jal. Hein? De là, quand tu entends ce genre de verset, tu sais la situation d'insensé dans laquelle se trouvent ceux qui disent le Coran, c'est une création de Mohammed alayhi salatu wassalam, l'ayadin billah, ou là c'est une dissertation de Mohammed alayhi salatu wassalam et autres paroles. فَلَمَّا كَانَتْ دَعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَحْيًا مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ وَلَا يَقْبَلُونَ تَنَازُلًا فِي أَمْرٍ أُمُورِ الدَّعْوَةِ. ولذلك عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكة إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من دون الله عز وجل حاولوا أن يقدموا له أمورا من أمور الدنيا يظنون بذلك أنه سيتخلى عن دعوته. قالوا له يا محمد إذا أردت المال نجمع لك مالا لتصبح أغنانا وقالوا نجعلك علينا كبيرا ورئيسا ونجعل لك منصبا علينا يا محمد نزوجك بما تشاء من نساء الدنيا. فرفض عليه الصلاة والسلام ولم يقبل من ذلك شيئا. لماذا؟ لأن الدعوة وحي من الله سبحانه وتعالى، ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام وحي من الله سبحانه وتعالى. كنت البروفيت عليه الصلاة والسلام، la da'wa des prophètes عليهم الصلاة والسلام c'est une révélation من الله عز وجل. C'est pour ça qu'ils n'agréent pas, qu'ils n'acceptent pas de changer quoi que ce soit. Ils n'acceptent pas le marchandage avec leur peuple. Aucun prophète n'a accepté le marchandage et un terrain d'entente avec son peuple. Hein? Ils n'acceptent pas de négliger ou de laisser tomber un des côtés de la da'wa. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que quand Mohammed a appelé les mécréants de la Mecque vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et délaisser l'association avec tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, ils ont essayé de marchander avec lui. Ils ont essayé de lui donner des choses. On dit, si tu veux, tu seras celui qui nous dirige. Tu seras notre président. Tu seras la plus haute personnalité dans notre communauté. Tu veux la fortune, on te donne la fortune jusqu'à ce que tu sois le plus riche parmi nous. On te mariera avec toutes les femmes que tu veux. Ils ont essayé. Mais les prophètes n'acceptent pas de marchandage. Ils ont une fonction. Ils ont une da'wa qu'ils transmettent et c'est une révélation min Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un terrain d'entente à trouver, ni à marchander quoi que ce soit. Le monothéisme doit s'accomplir. L'appel du monothéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit se faire, c'est une révélation min Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wasalam a refusé toutes les propositions qu'on lui a faites. Il n'a rien accepté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Parce que ceci c'est min Allah Azza wa Jal. La da'wa c'est une révélation min Allah Azza wa Jal. وجاءوا إليه مرات ومرات يضعون حلولا ترضي الطرفين كما يفعل أهل الدنيا عندما يتخاصمون ها يتفاوضون وبعضهم يقدم تنازلات للبعض وإلى أن يصلوا إلى حل ها فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل حلا ولا تنازلا ولا حلا وسطا فقالوا يا محمد نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما آخر ها فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الوحي من فوق سبع سماوات بالجواب قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. جاء الجواب من عند الله سبحانه وتعالى. واش غير الله تأمرني أن نعبده؟ هذا ما يمكنش. وجاء جواب من الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا إلى آخر الآية. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a refusé. Il n'a rien accepté. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être autrement. Ils sont venus à plusieurs reprises à marchander avec, à lui proposer des solutions et un terrain d'entente et des solutions qui vont être agréées des deux côtés. Comme font les gens de ce bas monde, quand ils ont un litige entre eux, ils essayent de trouver un terrain d'entente et une solution qui convient aux deux côtés. Mais le prophète alayhi salatu wasalam ne peut pas accepter une solution du milieu comme ça. Une solution qui est acceptée par l'un et par l'autre, etc. On dit, ils lui ont proposé à Mohammed, on adore ton Seigneur un jour et tu adores le nôtre un jour. Et ainsi de suite. La réponse du prophète alayhi salatu wasalam, il était quoi? La révélation est venue avec la réponse. Dit, c'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que vous m'ordonnez d'adorer. Vous les ignorants, c'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que vous m'ordonnez d'adorer. Il t'a été révélé, il y a ceux avant toi, si tu fais un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tes actes seront, tu seras parmi les perdants. Tes actes seront avilis, non avenants, et tu seras parmi les perdants. Et il dit dans l'autre verset, il dit, ô mécréants, Je ne vais pas adorer ce que vous adorez, vous n'allez pas adorer ce que j'adore. Et ainsi de suite. فدعوه الانبياء دعوه ربانيه يبلغون ما جاءهم من الوحي لا يفترون على الله لا يكذبون على الله لا يغيرون ما امرهم الله سبحانه وتعالى فاذا اوحى الله سبحانه وتعالى الى رسوله ان الربا حرام فهم يبلغون ان الربا حرام وهذا من واجبهم وقاموا به حق القيام بلغوا الناس أن الربا حرام لا يستطيعون أن يقولوا للناس هذا النوع من الربا حلال وهذا حرام كما نسمع الآن من أهل زماننا الذين يقولون إن الربا حلال وهذا يسمي بالفوائد وهذا يأتيك الأمور الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية تقتضي وتقتضي وتقتضي ها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأمور ونهى عن أمور نهى عن سفور المرأة وأمر المرأة بالحجاب وأمر الرجال بأن باللحى فكل هذا دين الله وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هكذا فما ساوم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس ها دونك فهم الله عز وجل لا دعوة دي بروفيت عليه الصلاة والسلام سي دعوة من الله عز وجل دعوة ديفين لي بروفيت الله عز وجل ترانسميتر لا ريفيلاسيون دالله سبحانه وتعالى il ne monte pas sur Allah سبحانه وتعالى il n'invente pas sur Allah quoi que ce soit il ne change pas la religion d'Allah Il ne change pas la révélation. Si Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à son messager que riba, l'usure, les intérêts sont haram, il transmet que c'est haram. Il ne peut pas faire autrement. Et les prophètes d'Allah azza wa jal ont accompli comme il se doit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de transmettre. Hein? Riba c'est haram, ils ont transmis riba c'est haram. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que riba c'est haram, il ne peut pas faire autrement. Hein? Il n'a pas dit à son peuple, cette forme de riba, il est halal, et celle-là, il est haram. Comme on entend maintenant, à notre époque, certains disent, ce n'est pas du riba, c'est du halal. Et il l'appelle l'intérêt, il l'appelle, non, la situation économique l'impose maintenant, on ne peut pas faire autrement, que vont dire les autres de nous, etc. Et on va être les particuliers qui ne, hein? Et regarde maintenant où les transactions d'Yerriba, où est-ce qu'il les a amenées maintenant. La faillite du système. Le système est tombé sur sa tête. À tel point que certains, ils demandent, revenons et regardons le système économique dans le Coran et prenons-le. Parce que c'est un système, le système qu'ils ont créé est un système qui a été créé pour asservir l'être humain, pour faire de l'être humain qu'il soit au service de l'autre et qui est le plus riche et le plus pauvre et Hada il dépend de Hada tout le temps c'est normal qu'il fasse faillite et c'est quelque chose qui est sorti de la raison humaine c'est normal qu'à un moment donné ça bloque et c'est quelque chose qui est sorti pour l'intérêt de certains c'est normal alors que ce qui est venu min Allah Azza wa Jal c'est ce qui fera le bonheur de toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et non pas une élite. Hein, ou certains. C'est pour ça que le système ne pourra pas durer. Et tout le système qu'il y a, les systèmes sociaux, etc., tout ce que tu vois, ils vont arriver au bout du mur. Un jour ou l'autre, chaque système va arriver au bout du mur. C'est obligé. Ce qui va être dans la continuité des temps, et qui va traverser le temps, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, parce que c'est ce qu'il agrée. Toute chose qui n'est pas agréée min Allah azza wa jal, un jour, il va tomber sur sa tête. Et c'est elle-même qui va créer sa perte, elle-même, parce qu'il peut, il porte sa perte en elle-même. Hein? Ben, les prophètes d'Allah azza wa jal, riba et haram, ils ont transmis qu'il est haram. Notre prophète alayhi salatu salam a dit que c'est haram. Hein? L'exhibition est un mal. il ramène un mal dans les sociétés. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran, que de couvrir nos femmes, nos filles et nos sœurs et ainsi de suite. Hein? Et il a transmis comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Regardez maintenant les sociétés maintenant, comment ils sont devenus malades. Puisque ils ont transgressé cette loi de Allah, Azza wa Jal. Et l'exhibition est devenue monnaie courante. Tout le monde est perturbé. Le petit, il est perturbé dans son esprit. Il est devenu obsédé lui-même. Hein? Le grand, la même chose. Et ainsi de suite. Des maladies que nos puissants d'Allah Alim ne connaissaient pas. Des perturbations d'esprit que nos aïeuls d'Allah Alim ne connaissaient pas. D'où, pourquoi? Le changement du système. Le fait de dénaturer la chose. Le fait de ne pas que la machine, on la fait pas fonctionner comme il se doit. Le fait qu'on n'est pas soumis à Allah, Azza wa Jal. Le fait que dans nos actes, dans ce que nous faisons, on est loin des directives de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et de ce que nous a enseigné Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est normal que tout marche à l'envers. C'est normal que ça se retourne, que la situation se retourne, que la situation se renverse contre nous. Évident. Hein? Parce qu'Allah, il nous a créés pour un but. Allah, il nous a créés pour s'acquitter de certaines choses. Comme le veut Allah. Et si on ne s'acquitte pas de ces choses, comme le veut Allah, Azzawajal, il est évident qu'on dérègle le système, et donc il est évident que le système va se retourner contre nous. Et c'est nous qui sommes les perdants après. Fayajibu an na'iya hada jayidan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith sahih, fi sahih al-jami' qal, taraktu fikum shay'ayn. لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعوة إلى الكتاب وإلى السنة، وحي من الله، كتاب وسنة كلهما وحيان من الله سبحانه وتعالى، وتركهم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذين الوحيين الذين الكتاب والسنة لن يفترقا أبدا حتى يوم القيامة. ها؟ ولا يمكن أن نفرق بينهما، لا يمكن. أنا أقول أنا أعمل بالقرآن، كيف تعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة؟ ماذا كيف؟ ها؟ ما يمكن أن يفترق أبدا. هما بحال هذوك اللي ملاصقين، ها؟ ما يمكن لكش تفرقهم. Notre prophète عليه الصلاة والسلام a attiré notre attention sur cette situation que tout vient de la révélation. Il a dit j'ai laissé en vous, hein, deux choses. Le livre d'Allah et ma sunna. Ils ne vont pas se séparer jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam servira l'eau aux croyants de son bassin. Donc ce sont deux frères siamois inséparables, le Coran et la sunna. Et donc c'est ce qui a fait, c'est de là que ça a démarré là, la da'wah de Muhammad alayhi wa sallam, de la révélation. Ce sont deux révélations min Allah azza wa jalla. Et donc, ces deux révélations doivent rester en nous, doivent rester dans notre da'wah, dans notre vie, jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire, moi je mets en application le Coran et je ne mets pas en application sunna. Bon, je ne peux pas me suffire du sunna et mettre de côté le Coran, c'est impossible. C'est les deux jusqu'à la fin, que ce soit dans le da'wah ou dans toute situation. Hein? Et j'ai besoin encore d'autres choses avec ça. ويخصني شيء أمر ثالث مع هذا كتاب وسنة ولكن بفهم من ليس بفهم أي أحد كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة بفهم صحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان لهم الدين من فوان تخوزيام تخوك ها كي لا كمبريانسيون mais ce livre et cette sunna je vais l'apprendre avec quelle compréhension. Il est obligatoire que je ne peux pas les prendre avec n'importe quelle compréhension. Il faut que je les comprenne comme l'ont compris mes puissants d'Allah Alim, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, leurs successeurs et les successeurs de leurs successeurs et ceux qui les suivent jusqu'à la fin des temps. C'est la seule compréhension valide et avenante chez Allah Azza wa Jal. والأمر الثاني من خصوصية من ميزة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يطلبون أجرا على دعوتهم لا يطلبون أجرا على دعوتهم لا يريدون بدعوتهم الدنيا ولا المصالح الدنيوية L'une des particularités aussi de la da'wa des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est qu'ils ne cherchent pas ce bas monde avec leur da'wa. Ils ne cherchent pas les intérêts momentanés de ce bas monde avec leur da'wa. فَيَا وَيْلَ مَنْ طَلَبَ بِدَعْوَتِهِ مَالًا أَوْ مَنْصِبًا أَوْ جَاهًا. كل الأنبياء كانوا حريصين عن أن يكونوا وجهاء عند الله. ها؟ فما من نبي جاء إلى قومه إلا قال بأعلى صوته وعلى الملأ: يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. يقول في قوم بعد أن لبث فيهم خمسين ألف سنة إلا خمسين عاما يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهذا هود يقولها صريحة لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Donc, et chaque prophète qui est arrivé vers son peuple, il a déclaré haut et fort qu'il ne cherche pas de récompense, qu'il ne cherche pas de fortune, qu'il ne cherche pas de payer chez les gens. Ni ma récompense, je le veux min Allah Azza wa Jal. Chaque prophète veut sa place chez Allah. Nuh alayhi salatu salam, après avoir fait la da'wa à son peuple, 1000 ans moins 50 ans, 950 ans, il leur a dit ceci, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a compté dans le Coran: ô peuple, je ne vous demande pas de récompense, je ne vous demande pas d'argent. Ma récompense, elle est chez Allah. Saleh, Houd, il a dit la même chose, il l'a dit clairement à son peuple: ô peuple, je ne vous demande pas de salaire. Mon salaire, il est chez celui qui m'a créé. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à son peuple: dis, je ne vous demande pas de récompense. Donc, tous, ils étaient clairs. Leur récompense, ils l'attendent min Allah Azza wa Jal. Leur da'wa est une révélation min Allah et il est fait pour Allah Azza wa Jal et non pas pour l'intérêt de ce bas monde. Fal anbiya jami'an yatlubun al ajra min Allah. Wa yawma an asbahat al da'wat manasib wa al da'iya la yataharraku illa bil muqabil fa hadha haluna. وربنا يقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدعوة فرض واجب وواجبة على كل إنسان حسب استطاعته، فلا يأخذ عليها مال بل يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لما؟ لأن ما في الدنيا ينفد وما عند الله باق، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Le prophète عليه الصلاة والسلام, jamais ils ont demandé une récompense de quelqu'un ni un salaire de quelqu'un. Leur récompense, ils l'attendent min Allah Azza wa Jal. Quand la da'wa est devenue maintenant des postes et que les da'i se déplacent par pour une contrepartie, etc., et ça, c'est une situation qui existe maintenant. Et il est dit dans le Coran: vous agréez ce bas monde, et vous le préférez à l'au-delà, et les bienfaits de ce bas monde par rapport aux bienfaits dans l'au-delà sont minimes. La da'wa, c'est quelque chose d'obligatoire pour tout un chacun de nous selon ses capacités. Il est obligatoire pour tout un chacun de nous, mais selon chacun, selon ses capacités. Mais il n'a pas à prendre de l'argent, un salaire pour cette da'wa. Mais il veut pour sa da'wa la récompense min Allah Azza wa Jal, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans ce bas monde, il est futile, il passe très vite. Et ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jal, c'est l'éternel. c'est ce qui va durer. L'au-delà est mieux que ce bas monde. Et voici un exemple de l'un des héritiers des prophètes, alayhi salatu wassalam, Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala. Ses élèves rapportent que des fois, des hommes qui ont de la fortune viennent de loin. Il vient avec une valise pleine. Mais des fois, quand ces hommes qui sont arrivés pour mettre de l'argent au service, pour donner de l'argent à Cheikh et pour le centre d'El Cheikh arrive, des fois Cheikh, il est dans sa maktaba en train de faire des recherches. Ben, il ne les accueille pas. Ils attendent. Ils arrivent à un autre moment qui est réservé à ça. Là, c'est le moment de la recherche. Des fois, ils arrivent, il est en train de faire cours. Il n'arrête pas le cours, il reste. Que le cours dure ce qu'il va durer. Ils n'ont qu'à attendre jusqu'à ce qu'il termine. Parce que si Cheikh, il arrête les recherches, Hada, ce visiteur est arrivé, le deuxième est arrivé, le troisième, quand est-ce qu'il va faire ses recherches? S'il arrête son cours et l'autre, il arrive avec cela, quand est-ce qu'il va terminer son cours? Et ainsi de suite. Si. Il veut donner, aider le centre, etc. Bah, qu'il attend. Qu'il attend. Il est arrivé des histoires à Cheikh Muqbil que beaucoup de du'at, s'il leur est arrivé cette histoire, ils n'auraient pas tenu. L'ambassade, le consul général des États-Unis, est allé le visiter, c'est une femme. Il est allé le visiter. Quand il est arrivé, il a demandé à le voir. Ils lui ont dit que c'est une femme. Il a dit, vous la dirigez directement chez les femmes, qu'il aille là-bas. Et de là-bas, il pose ses questions et il parle. La femme a insisté, le consul général a insisté, je veux vous voir, je veux m'asseoir avec vous et discuter avec vous. Non, vous restez chez les femmes. La femme a insisté et dit non. Et il est parti. Cette dame est partie sans rencontrer Cheikh Muqbil. Sur la route, il pleurait. Sur la route, il y a, au Yémen, vous connaissez toutes ces histoires, des fois, il y a des barrages sur la route. Tribu qui attaque une autre tribu parce qu'ils ont des problèmes entre eux. Donc ils mettent un gros tonneau au milieu de la route, une grande barre. Hein? Une grande barre en bois. Donc les voitures, il arrive là, ils la prennent et puis voilà. Et quand l'histoire s'arrange, ils vont rendre les voitures, etc. Là, la voiture de le consul général s'arrête. C'est une femme. Ils la prennent avec sa voiture. Elle prend le téléphone et il appelle directement le président du Yémen. Le président du Yémen, il envoie un hélicoptère pour la libérer, pour la prendre. Et là, à ce moment-là, elle va conter son histoire. Le président du Yémen, il ne savait pas. Il ne savait rien de cette histoire. Et il lui conte l'histoire, ce qui lui est arrivé. Cheikh Muqbil a eu encore plus de valeur si le président de la République. Il dit, un homme qui a refusé la rencontre de consul général des États-Unis, Hada. Ce bas monde, il ne vaut rien pour lui. Alors que c'est d'autres du'as, d'Yel Ikhwan, d'Yel Tbler, le consul s'est présenté devant la porte, c'est l'occasion pour se faire photographier avec, c'est l'occasion d'appeler Tontaine 2, d'appeler Imbécile, d'appeler le Khassira, et de les appeler tous. Hein? Flan de telle partie, il est avec là, le conseil général. Hein? Et combien de fois Ada Cheikh Muqbil rahmatullah alayh. Le président, il lui envoie. Et des fois, il ne veut pas y aller. Il veut rester avec ses livres. Il veut rester dans ses enseignements. On vient, on le cherche. Il faut que tu viennes. Il y va. Et quand il va, il rentre. Et devant la porte, tous les chefs de ces partis, de ces groupes qui nous suivent, qui ne respectent pas la sunna et qui sont sur des voies de l'égarement, ils sont là à attendre pour demander quelque chose. Lui, il rentre, on le force à venir. Il rentre, et il donne conseil, il dit au président, le ministère des Affaires, Kada, de la Justice, il est plein de choix, il est plein. Le président lui dit, prends-le, et remet. Non, je ne le veux pas, mais je te le dis. Moi, je préfère rester avec mes livres, avec mes élèves, ma da'wa et mon enseignement. Le ministère de l'Agriculture, il y a ceci, il y a cela, etc. Prends-le et fais quelque chose. Non. Jamais il demande quelque chose. Hein? sa da'wa, il est pour Allah. Il voulait sa vie pour la science. Il voulait sa vie pour la sunna. Regarde, maintenant, ses élèves, ils sont à travers la planète. Il n'y a pas un continent, il n'y a pas un élève de Cheikh Mokbir, rahimahullah ta'ala. Il n'y a pas. Hada, c'est la da'wa des héritiers du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. D'où ils l'ont tenu? Le fait de vivre avec la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pas juste tout simplement de la vivre, c'est aussi cet amour de la sunna à la mettre en application. Combien de sunna ont revivre des hommes comme Cheikh Nasser rahmatullah alayhi, comme Cheikh Mokbil? Par amour de quoi? À la mettre en application. Et appeler les gens vers cette sunna, parce que leur but c'est ça, c'est d'être sur la voie des prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Talitan kadalik min al-umur al-muhimma في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البساطة في الدعوة عدم التكلف. Un troisième point essentiel dans la da'wa du prophète عليهم الصلاة والسلام, c'est la simplicité dans le style dans la da'wa. Il s'impose rien. Il parle aux gens selon leur capacité intellectuelle. Ils n'emploient pas des langues que les gens ne comprennent pas. Certains parmi les deux hâtes en France, quand ils les entendent, tu crois entendre Guy Descartes et les textes de Guy Descartes, tu sais, tu ne sais plus la tête du pied du texte. Tu sors de là, tu as mal à la tête, tu as besoin de 5 Valium ou la 5 Efferalgon pour voir un petit peu, dissiper les brouillards. Parce qu'ils emploient des termes qui sont compliqués, des termes, etc. Et des termes, des fois, ça ne veut rien dire. Quand tu prends le texte du début jusqu'à la fin, il n'y a rien à retenir. Tout simplement, faire bouger la langue, embellir les paroles, et s'accaparer de l'esprit des gens. Et après, tu entends, tu as vu comment il parle. Qu'est-ce que tu as compris? Oh là, j'ai rien compris, mais il parle bien. Qu'est-ce que tu as compris? Comment tu sais qu'il parle bien? Mais c'est que tu n'as rien compris, c'est qu'il ne parle pas bien, il parle mal. Il parle bien. Et tu as compris? Rien. Alors il ne parle pas bien dans ces cas-là. Celui qui parle bien, c'est que tu comprends ce qu'il dit. فالأنبياء يخاطبون الناس على قدر عقولهم ليس يسلكون طريق التعقيد إنما يسلكون طريق الحكمة. فالله سبحانه وتعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالله سبحانه وتعالى جل الحكمة أن تكون الدعوة بالحكمة, والحكمة هي موضع وضع الشيء في محله, فإذا المكان احتاج إلى الشدة تكون شديد, إذا احتاج إلى الرفق تكون رفيق. ليس الرفق كل دائما, هذا ليس من الحكمة, وليست الشدة دائما, وإنما كل مقام بحسبه. عندما تصلح الشدة فتكون شديد, وعندما يصلح اللين ولا يصلح إلا اللين فيجب أن تكون لينا. فهذه الحكمة. والموعظة الحسنة, والموعظة هي الترغيب والترهيب, أن ترغب الناس ما عند الله وأن تخوفهم من عذاب الله عز وجل كذلك. والجدال بالتي هي أحسن, حتى إذا كنت تناظر أحدا وتناقشه فيكون بالتي هي أحسن. تترك المجال يتكلم وتسمع إليه وترد عليه وكن ذلك بأدب. وجاء في آية أخرى أنه لا بد لها من العلم, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, أي على علم. فيكون الأمر عندنا في الدعوة بأربع نقط: علم وحكمة وموعظة وجدال بالتي هي أحسن. لا بد من العلم, ولا بد من الحكمة وهي وضع الشيء في محله, ولا بد من الموعظة الحسنة ترغيب وترهيب, ولا بد لنا من الجدال الحسن, الجدال الذي سيوصلنا إلى الخير, والجدال الذي هو فيه الآداب مع من تناظره ومع من تكلمه. لأن الأصل أنك تريد أن تنقذ أخاك من الضلال أو تبعده عن الشبهات التي فيها. فهذا إن لم تستعمل الأسلوب الذي يناسب أخاك فيمكن أن تبعده عنك. Troisième point essentiel dans la dawah du prophète, c'est la simplicité. En fait, il ne s'impose rien. Il n'y a pas de complications dans le langage et dans les expressions du prophète. Les prophètes se sont adressés aux gens avec les expressions qui conviennent à la raison des gens et à l'intellectuel de ceux qui sont en, à l'intellect de ceux qui sont en face d'eux. Sans complication dans les textes, sans complication dans les paroles ni quoi que ce soit. Mais la voie que suivait le prophète, c'est la voie de la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a décrit cette voie ainsi. Oud'u, appelle vers la voie de ton Seigneur avec sagesse. C'est quoi la sagesse ici, le hikma? C'est le fait de mettre les choses à leur place. D'être ferme et dur au moment où il le faut. Et d'être doux, au moment où il le faut. Être doux tout le temps, ça ne peut pas être min al-hikma. Être sévère tout le temps, ça ne peut pas être min al-hikma. Mais il faut savoir cerner les situations. Là où il faut être ferme, et dur, il faut utiliser ce langage-là. Là où il faut être doux, il faut utiliser ce langage-là. Donc ça demande de nous une capacité de discernement de la situation. Donc le hikmah, c'est quelque chose de très important. Deuxième point, donc, c'est l'exhorte. L'exhorte ici, le ma'ouda, c'est quoi? C'est ces paroles avec, dans lesquelles il y a l'incitation à faire. Tu ramènes des textes qui vont donner envie aux gens d'accomplir. Tu leur fais aimer. Et tu leur donnes envie d'œuvrer pour avoir la récompense min Allah Azza wa Jal. Les inciter. Et aussi, le ma'ouda, l'exhorte, c'est aussi le fait de leur faire peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Tu ramènes les textes, que ce soit dans la parole d'Allah Azza wa Jal ou dans l'authentique de la sunna du prophète, pour leur faire peur de la situation de laquelle tu veux les avertir. Donc le ma'ouda, il va, il y a tarhib et tarhib dedans. Inciter et faire peur. Aussi, la polémique, mais de la meilleure des façons. Troisième point, la polémique de la meilleure des façons. Il est évident que tu vas rencontrer quelqu'un qui est en divergence avec la sunna du prophète, etc. Donc, quand tu polémiques avec lui, il faut que tu aies un comportement adéquat. Il faut qu'il y ait un certain langage qui s'instaure entre vous. Il y a un comportement qui s'instaure parce que le but, ce n'est pas d'élever les voix et d'arriver à une impasse. Le but, c'est de le sortir des ambiguïtés dans lesquelles il est. Donc, il faut utiliser le langage adéquat pour pouvoir dissiper les nuages qu'il a dans son esprit ou les ambiguïtés qui se sont installées dans son cœur. Et donc, ceci demande de nous une sagesse et un comportement dans cette polémique, dans la façon de discuter avec, etc. Et on a besoin d'un quatrième point essentiel dans le da'wah, c'est la science. Et ceci, il est dans l'autre verset, il dit, ça c'est ma voix, j'appelle avec clairvoyance, avec science, moi et ceux qui me suivent. Ça veut dire que ceux qui suivent Mohammed a.s. sur le chemin de da'wah, doivent avoir de la science quand ils font leur da'wah. Donc nous avons science, sagesse, hikmah, mo'ida, exhorte, polémique de la meilleure des façons. Tout ceci, nous devons l'observer dans notre façon de faire dawa ila Allah. Parce que le but, c'est d'être un moyen pour que cette personne soit sauvée. Et non pas d'enfoncer la personne. C'est de l'aider à sortir de l'égarement dans lequel il est, s'il est dans un égarement. C'est de l'aider à se débarrasser des ambiguïtés qu'il a dans son esprit. Et non pas de l'enfoncer. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول وما أنا من المتكلفين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا كان في كل شيء في أدنى البساطة في كل شيء notre prophète عليه الصلاة والسلام nous dit et moi je m'impose rien du tout ça impose rien t'es modeste et simple au plus bas degré de la simplicité. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Ça n'empêche pas qu'il a sa valeur chez Allah Azza wa Jal. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est modeste et simple, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Il n'y a aucun doute là-dessus. فكان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على الناس فيدخلون في دين الله أفواجا. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يحب المال فيعطيه مالا كثيرا فيسلم الرجل ويرجع إلى أهله ويقول لهم اسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. محمد عليه الصلاة والسلام a été sage dans toutes les situations, a utilisé le moyen adéquat pour chaque situation. Il récitait le Coran pour les gens. Beaucoup sont rentrés en écoutant le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Quand il aura récité le Coran, beaucoup se sont convertis à l'islam. L'homme aimant beaucoup la fortune, aimant beaucoup l'argent, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le sent en lui, il lui donne. Il lui donne beaucoup d'argent. L'homme se convertit. Il retourne chez lui. Il dit, je viens de chez quelqu'un qui donne des donations de quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Donc il fait une dawa. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناظرته مع النمرود في منتهى البساطة يقضي على النمرود من اللحظة الأولى يخاطب العقل والفطرة بأسلوب بسيط. Et voici Ibrahim عليه الصلاة والسلام dans son débat avec النمرود. Et le débat était des plus simples. Il utilisait un langage des plus simples. Et il a anéanti Namrod. Au premier round, il l'a mis KO. Et ce débat, qui était très simple, s'adressait à la raison et à la fitra de l'être humain. Cette fitra sur laquelle nous sommes créés, qui est le monothéisme. Ce qui est né en nous, qui est le monothéisme, et le fait d'accepter d'être soumis à Allah Azza wa Jal. Yaqulu Azza wa Jal ala lisan Ibrahim, l'innamrod. Alam tara. إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. دعوة سلكت طريق الفطرة فلا تكلف ولا تعقيد فيها لا تعقيد ولا تكلف وإنما خاطبه بالفطرة التي فيه وخاطبت عقله فأفهمه. Donc, dans ce qui nous est conté dans le Coran, dans sourate al-Baqara, il est dit quand Ibrahim alayhi salatu wasalam se trouve devant ce roi, ce tyran qui est Namrod, il est dit dans le verset, n'as-tu pas vu celui avec lequel qu'Ibrahim, contre lequel Ibrahim a accompli la preuve d'Allah Azza wa Jal. Celui-là qui avait la royauté, qui avait la puissance, qui avait un royaume. Ibrahim lui a dit, mon souverain fait renaître les morts et fait mourir les vivants. Hada, ce roi, il a dit, moi aussi je fais vivre les morts. Ibrahim lui a dit, alayhi salatu wassalam, mon souverain ramène le soleil de l'est vers l'ouest. Fais le contraire, toi. Ramène-le de l'ouest vers l'est. Et là, il a été anéanti, chaotique. Il ne pouvait rien faire. C'est impossible. Fabouhit, il est resté bouche bée. Et ça, c'est une dawa qui a pris le chemin de la fitra, de la nature sur laquelle est créé l'être humain. Il n'y a pas de choses qui sont imposées, il n'y a pas de complications dedans. Et il est arrivé au but directement, sans complications. Et la voie dans la da'wah des messagers, il n'y a pas de complications dedans. Plus les choses c'est compliqué, plus on est loin de la vérité. Dis-toi bien que la vérité, elle est simple. La vérité, elle est simple. Ce Coran, il est descendu pour que le comprenne le bédouin. Ce Coran, pour que tout le monde le comprenne, il s'adresse à tout un chacun. Ceux qui ont un grand intellect et ceux qui ont un bas intellect. À tous. Donc, le Coran, déjà, lui-même, il est simple. Et regarde, il n'y a pas de complications dans les croyances. Par exemple, ce bédouin qui vient devant le prophète alayhi salam, il entend du prophète alayhi salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala sourit. Hein? Le bédouin tout de suite, par la fitra qu'il y a en lui, il dit donc, dans ces cas-là, on espère que le bien d'un souverain qui sourit. Hein? Il n'y a que du bien qui va nous arriver d'un souverain qui sourit. Il n'a pas cherché des complications qu'on font hein, les gens après que la philosophie grecque et etc. s'est immiscée dans les sciences. Il ne peut pas. Pourquoi? Comment? Bah, s'il sourit, ça veut dire qu'il a des émotions. S'il sourit, c'est un être humain, il ressemble à ceci, cela. Et là, le bédouin, par sa fitra, parce qu'il est né en lui, le langage, il est clair, il est simple. Il a dit donc, on peut pas, on ne peut, on il n'y aura que du bien qui va nous arriver d'un souverain qui sourit. Enfin, le message clair et authentique, la fitra l'accueille directement, sans problème. Et il n'y a aucune complication dans, il n'y a eu jamais de complication dans la da'wah des messagers. Tout était clair, était à la portée de tout un chacun. Rabi'an kadalik, annaha wadihatul ghayati wal manhaj. La da'wa des messagers, elle est claire, sa particularité, la quatrième particularité, c'est qu'il est clair dans la voie et dans le but. Le but de la da'wa, il est clair. La voie à prendre pour cette da'wa, il est clair aussi. Yaqulu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadihi sabili ad'u ila Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est ma voie, j'appelle vers Allah azza wa jal. Kama amara rabbuna azza wa jal. أن أمره ربه عز وجل أن يقول الناس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كم الله سبحانه وتعالى لي أغضاني دي يا محمد دي ça c'est ma voix j'appelle vers Allah moi et ceux qui me suivent et je ne fais pas partie des associateurs فالغاية الدعوة إلى الله لا أدعو إلى حزبية ولا إلى وطنية ولا إلى قبلية ولا إلى حمية ولا إلى جماعة وإنما أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني ما فيه دعوة لتمغربيت ودعوة لتجزائريت ودعوة لتونسيت وهذه دعوة ديال الريفية وهذه دعوة ديال الشلحية وهذه دعوة ديال الجربية وهذه وغادية لا وإنما هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تحزب فيها ولا تعصب فيها التعصب للحق التعصب للحق ها؟ ما هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام donc le but de la da'wa c'est d'appeler vers Allah عز وجل aucun prophète n'a appelé vers le parti ni vers le groupe ni vers la nation ni vers la tribu ni vers la race, ni vers quoi que ce soit. Hein? L'appel se fait vers Allah Azza wa Jal. La da'wa ne doit pas être une da'wa appelée vers l'Algérienté, ou la Marocanité, ou la Tunisienté, ou là appelée à être Kabyle, à être Rifi, à être Chleur, à être Mzabet, à être... Voilà. Hein? Appel vers Allah Azza wa Jal. Hein? Pas de sectarisme, pas de nationalisme dans la da'wa, pas de tribalisme, pas de partisme, appeler vers un parti ou vers un groupe, tu appelles vers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le but de la da'wa. Et en dehors de l'appel vers Allah Azza wa Jal, toute da'wa est non avenante. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ذلك عمليا فيخط خطا طويلا فيقول هذا سبيل الله ويخط عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة ويقول هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فوضح السبيل للملأ ووضح المنهج والطريق رحمك الله فقال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي الطريق والصراط ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. والافتراق أنت تراه في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا لابد منه، هذا قدر الله الكوني. ولكن علي وعليك أن نقابل قدر الله الكوني بالقدر الشرعي. قدر الكوني أن الله قدر أن تفترق هذه الأمة، ونحن لسنا مطالبين بأن نتابع القدر الكوني، ولكن هو هنا، لكن نحن مطالبون بأن نتابع القدر الشرعي، أن نبحث عن الطريق. هذا ابتلاء من الله، امتحان، فأنا أبحث عن الطريق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى أنجى، حتى أنجو بنفسي، حتى أحظى برضوان الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. سنوت بويت عليه الصلاة والسلام كي فا ندوني ان اكليرسيسمون افيك سون اكت. اي ان جور il va tracer une ligne droite par terre, il dira à ses compagnons ça c'est la voie d'Allah. Il tracera d'autres lignes de chaque côté de cette voie, il dira ça ce sont des voies. Et à la tête de chaque voie, il y a un shaitan qui appelle. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré c'est quoi cette voie de la vérité. Il a dit cette communauté va se diviser en 73 sectes, tous en enfer sauf une. Il a dit c'est laquelle? Il a dit celle, ceux qui sont sur la même voie que moi, moi et mes compagnons. Ça, c'est le destin d'Allah. Ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, c'est le destin universel. C'est que la division doit exister, il existe. Tu ne peux pas la nier. Allah, il la veut comme ça. Mais ce qu'il nous est demandé, nous, c'est de suivre le destin législatif. Le destin législatif, ce sont les ordres d'Allah Azza wa Jal. Allah, il veut de nous qu'on soit sur la voie de la vérité. Donc, la division, elle est là. Moi, je dois chercher la voie de la vérité pour faire partie des gens qui sont sur la même voie que Mohammed alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Hada ce qui m'est demandé, Anna. Hein? De pouvoir poser des questions, pourquoi la division, ça ne me regarde pas. Le destin, il est le secret d'Allah, Azza wa Jal. Il y a une sagesse dans cette division qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. C'est que tu cherches la vérité. Et que quand tu trouves la vérité, tu mords dessus avec tes molaires. Et que tu te cramponnes à la sunna du prophète alayhi salatu salam. Comme il te l'a ordonné le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdin, addu alayha bin nawajib. Le rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a montré. Il t'a montré comment. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du khalif bien guidé, mordu dessus avec vos molaires. Après avoir parlé de la division. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Mais il a dit cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés. Ne pose pas, ne dis pas pourquoi la division. Hein? Ça te regarde pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète ce qu'il veut dans son univers. Mais Allah, il veut de moi et de toi une soumission. Il veut de moi et de toi d'être sur Sirat al-Mustaqim. Donc tu dois le chercher sur Sirat al-Mustaqim. Et tu dois demander à Allah, maintenant il le fait dans toutes tes prières, guide-nous sur la voie droite. C'est quoi cette voie droite? La voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Qui sont ceux-là? Allah te les montre. Hein? ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله يتلو مونتر. Et celui qui obéit à Allah, il y a son messager, ceux-là sont ceux avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, hein? Les martyrs, les vertueux, et qu'il bonne compagnie que la compagnie et qu'il bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. C'est ce chemin-là que tu dois chercher à l'islam. Ne perds pas ton esprit pourquoi cette division. Allah, il a décrété ainsi. Tu dois l'accepter. Et tu dois chercher le chemin de la vérité et te cramponner à la vérité, connaître les règles de la vérité et les fondements de la vérité. Hein? Allah, subhanahu wa ta'ala, bayan, « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ماذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالطريق هو موجود، طريق السابقين من صحابة رسول الله من مهاجرين وأنصار ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الله سبحانه وتعالى au lieu que tu cherches, que tu te perds, pourquoi la division, pourquoi ceci, etc. Cherche la voie. La voie, il est là, Allah te l'a montré. Il est dit dans le verset, il est premier parmi ceux qui ont immigré de la Mecque vers Médine et les alliés qui les ont accueillis, l'Ansar, qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux, ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Donc tu dois être avec ceux-là, tu dois être dans le suivi de ceux-là, de ces premiers qui ont suivi Mohammed alayhi salatu salam, que ce soit ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine ou ceux qui les ont accueillis, et ceux, leurs successeurs et leurs et les successeurs de leurs successeurs jusqu'à la fin des temps, tu dois être sur leur chemin. C'est le chemin qui est désigné par la parole du prophète alayhi salatu salam, bana alayhi liyawma ashabi, la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. فكذلك من الأمور الأمر الخامس في دعوة الأنبياء أنهم لا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس بل يتطلعون إلى رضا الله وإلى الجنة. Le cinquième point dans la da'wah des prophètes عليه الصلاة والسلام, dans la particularité de la da'wah des prophètes عليه الصلاة والسلام, c'est qu'ils ne veulent pas les choses qu'il y a dans les mains des gens. Ils ne cherchent pas ce que les gens, la fortune, ni ce que ont les gens dans leurs mains, mais ils cherchent l'agrément de l'âge, Zawajal, et le paradis. لماذا؟ لأنهم إذا تطلعوا إلى الدنيا ركنوا إليها وتركوا العمل للآخرة كما هو حالنا إلا من رحم ربك. Pourquoi? Parce que s'ils cherchent ce bas monde, ils vont s'endormir dans ce bas monde. Ils vont laisser l'œuvre pour le delà. Hein? Comme c'est notre situation maintenant, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits. يقول عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. Il est dit dans le verset, c'est quoi ce bas monde, hein? Ce bas monde, ce n'est qu'un jeu, une futilité. Et la réelle vie, elle est dans le delà. S'ils savaient, la réelle vie, il est dans le delà, après avoir passé sa vie ici. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهذه الدنيا زهرة والزهرة سرعان ما تدبل بغية تيبس وتطفى. Il a été dit à notre prophète alayhi salatu salam, ne regarde pas, ne jette pas, hein, tes regards sur les choses avec lesquelles on a comblé les gens. Ce n'est qu'une fleur de ce bas monde pour les éprouver. Mais la meilleure de ces existences, elle est chez Allah, Azza wa Jal, et c'est elle qui durera. Donc ce bas monde, c'est une fleur. Et le fleur, malgré ce qu'il peut vivre, il va faner. Et il fane. Toute fleur que tu vois, un jour ou l'autre, il fane. Hein? La même chose, ce bas monde. Il est voué à faner. الدنيا غرارة خداعة. ولذلك لما طلب أزواج محمد عليه الصلاة والسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن في النفقة فقلنا يا رسول الله زد لنا في الرزق والعطاء نريد أن نعيش كما يعيش النساء فنزل التخيير من فوق سبع سماوات قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أجي نعطيكم من متاع الدنيا ونطلقكم ونفرقكم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ce bas monde, il est traître. C'est un bas monde qui attire et qui appelle. Hein? Quand les femmes du prophète alayhi salam, ils ont demandé au prophète alayhi salam d'être plus large avec elles au niveau de la subsistance, leur donner des choses pour prendre plaisir un petit peu comme les autres femmes. Hein? Le choix est venu min Allah Azza wa Jal. Et le verset est arrivé, il dit, ô prophète, dis à tes femmes, si vous voulez le bienfait et prendre plaisir de ce bas monde, et les bienfaits de ce bas monde, venez, je vais vous donner, hein, mais je vais me séparer de vous. Je vais vous donner, mais je vais me séparer de vous. Et si vous voulez Allah et son messager et le delà, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à celles qui font le bien parmi vous une grande récompense. فالدنيا كالدابة على الإسلام إذا ركبتها حملتك وإذا ركبتك قتلتك كم من أناس قتلتهم الدنيا فانظر أحوال من حولكم كيف يتعبون في الجمع وتحصيل الشهوة والسعادة سعادة مؤقتة وكيف يتعبون في كل هذا وبعدها لا شيء ويضيعون واجبات الله وما فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم من الله عز وجل ce bas monde c'est comme une monture si tu la montes il va te porter mais si il te monte il va te tuer si ce bas monde te guide et prend le dessus sur ton esprit tu es accaparé par ce bas monde que tu ne suis que ce monde tu vas aller vers ta perte. Mais si toi, tu diriges ce bas monde, hein, et que tu es le maître de la situation, bah, tu vas traverser cette vie et de l'autre côté, tu trouveras l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Man illadhi yabni ala mawji al-bahri daran tilkum ad-dunya fala tattakhiduha qarara. Qui construira une maison, hein, en face des vagues de la mer sur le sable en face de l'eau. Ça, c'est ce bas monde. Qui peut la prendre comme maison éternelle? Personne. قال عز وجل في حق هذه الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce bas monde. Sachez que certes que ce bas monde n'est qu'un jeu, futilité, et un embellissement et une concurrence entre vous au niveau des enfants, au niveau de la fortune. Hein? Comme un champ qui pousse et le cultivateur il est content de son champ et tout d'un coup ce champ il est fané, il tombe. La même chose ce bas monde, un jour il va faner, un jour il va se terminer, hein? Ce bas monde ce n'est qu'un jeu et des futilités. Surtout regarde ceux qui sont accaparés pour ce monde, 24h24, ils courent derrière ce bas monde. Course derrière des plaisirs qui ne s'arrêtent pas. Il oublie les obligations de Allah Azza wa Jal. Qu'il y va en résulté après quand il va retrouver Allah Azza wa Jal. Hein? L'énormité du châtiment. Parce qu'il a tout négligé. Les obligations de Allah Azza wa Jal pour ce bas monde. Le fait de chercher sa subsistance, il nous est demandé. Il ne faut pas que ça nous fasse oublier les obligations d'Allah Azza wa Jal. Hein? قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا حديث صحيح في صحيح الجامع. رسول الله صلى الله عليه وسلم dit qu'est-ce que j'ai à voir avec ce bas monde? Je suis dans ce bas monde comme quelqu'un qui fait un voyage. Il est arrivé à l'ombre d'un arbre. Il est resté abrité à l'ombre d'un arbre. Et après, il est parti, il a laissé cette ombre et il est parti. La même chose. Ce bas monde, on le prend comme moyen pour œuvrer. Hein? Pour œuvrer pour le delà. On ne vend pas notre delà pour ce bas monde. on œuvre dans ce bas monde, on cherche notre subsistance, mais en accomplissant les obligations d'Allah, Zawajal, et en œuvrant pour notre au-delà. Enfin, on construit notre maison éternelle dans ce bas monde. La maison que nous allons habiter éternellement, on la construit d'ici. Avec notre soumission à Allah, Azzawajal, et notre suivi de Mohammed, salam, et le fait de ne pas être attaché aux futilités de ce bas monde. سادسا انهم يهتمون بعقيده التوحيد ومن الامور المهمه في دعوه الانبياء انهم يهتمون بالتوحيد فدعوه لا تهتم بالتوحيد اغسل عليها يديك ها وانفض منها يديك le sixième point essentiel dans la da'wa du prophète alayhi salam c'est qu'il s'occupe du monothéisme et des croyances et toute da'wa qui ne s'occupe pas du monothéisme lave tes mains Et ce côté main de cette da'wa, éloigne-toi, il n'y a aucun bien dedans. Il n'y aura aucun bien dans une da'wa qui n'est pas basée sur le monothéisme et qui ne donne pas l'importance aux croyances et au monothéisme. L'anbiya, yahtamouna awwal ma yahtamouna bih bil aqida. Fal aqidatu awwalan law kanu ya'lamoun. Fama min nabiyin illa ja'a ila qawmihi wa huwa yad'oum ila al aqida. Hein? وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Tout prophète qui est venu s'est occupé des croyances et du monothéisme. Et la croyance et le monothéisme, c'est la priorité des priorités. Il faut le savoir. Il faut que ce soit quelque chose d'irréfutable dans notre esprit. Le monothéisme et les croyances, c'est la priorité des priorités. C'est notre priorité dans ce bas monde, que ce soit dans le da'wah ou dans toute chose. Hein? Tout prophète qui est arrivé, hein? Il est dit dans le verset, tout prophète que nous avons envoyé avant toi, il a dit à son peuple, il m'a été révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez Allah. Hein? وقال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et Nuh a dit à son peuple, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le compte dans le Coran, nous avons envoyé Nuh à son peuple. Et Nuh a dit à son peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. C'est la même phrase que tous les prophètes ont répété à leur peuple. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam qal ya qawmi qulu qu la ilaha illallah tuflihu. Yanna al-aqidata idha istaqarrat fi quloub. إذا استقرت في القلوب صلحت القلوب وصلح الإنسان فإذا أمر أتمر وإذا نهي انتهى إذا أمر الرجل بإعفاء لحيته عندما تكون عنده عقيدة صحيحة فهو يعفي لحفاته إذا أمر أن يرفع توبه فسيرفع توبه إذا أمرت المرأة بالحجاب وترسخت فيها العقيدة فهي ستمتثل لأمر ربها إذا أمر بأن ينتهي عن عمل محرم فسينتهي لأن العقيدة ترسخت في قلبه فهي أساس كل خير أساس الخير ومبنى الخير كله هو العقيدة الصحيحة وهو التوحيد Donc notre prophète عليه الصلاة والسلام a dit à son peuple dites la ilaha illallah vous allez réussir car العقيدة et le monothéisme quand il est ancré dans le cœur de la personne cette personne va devenir bon et quand on lui ordonne quelque chose Quand il reçoit l'ordre min Allah et de la sunna du prophète, il va mettre en application. Quand il reçoit l'interdiction min Allah et de son prophète, il va s'abstenir. Quand l'ordre lui vient min Allah pour laisser pousser sa barbe, il va la laisser. Quand la femme reçoit l'ordre min Allah et qu'il a l'aqida habite son cœur, une aqida authentique habite son cœur, il reçoit l'ordre de mettre le hijab et il va le mettre. Et ainsi de suite. Il n'aura plus besoin de problème. Hein? قال عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى décrit les croyants ainsi. Il dit certes quand on dit aux croyants quand les croyants sont appelés vers Allah et vers son messager pour juger entre eux ils disent nous avons entendu nous obéissons et ceux-là ce sont ceux qui ont réussi Mais à quel moment on arrive à ce point-là, à répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, quand l'aqida est authentique, quand on est cramponné, on est éduqué sur une aqida authentique. À ce moment-là, n'y a plus de barrière. L'ordre vient min Allah ou l'interdiction vient, on met en application. فالذي فسدت عقيدته هو الذي يذهب إلى السحرة وإلى المشعوذين والذي فسدت عقيدته هو الذي يعارض كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الذي يحمل في قلبه عقيدة صحيحة فلا يذهب إلى سحرة ولا يعارض كتاب الله ولا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. Donc, celui dont l'aqida est mauvaise, ben c'est lui qui va courir vers les sorciers et vers les devins. Et c'est lui aussi qui va opposer des oppositions, va faire des oppositions à la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les temps ont changé, mais ceci, mais cela, mais on vit ailleurs, etc. Il va commencer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa aqida. Mais celui dont la aqida est authentique et solide, il dit, nous avons entendu, nous obéissons. Hein? Il sait qu'il n'y a qu'Allah qui donne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui prive, hein? Et qu'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'invisible, et que tous les biens, mais tout le mal, et qu'il n'y a rien peut atteindre une personne sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu. Sabi'an, min al-umur al-muhimma fi da'wat al-anbiya, أنهم لا يخالفون ما يقولون بأفعالهم فأقوالهم تطابق أفعالهم. C'est le septième point essentiel dans la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est que leur parole va de pair avec leurs actes. Il n'y a pas de contradiction entre leurs paroles et leurs actes. Ce qu'ils disent, ils le mettent en application. Ils ne font pas le contraire de ce qu'ils disent. فأنبياء الله هم قدوة وهم أصدق الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لرب العالمين ولذلك ما من نبي إلا وهو صادق في قومه قبل أن ينزل عليه الوحي. Les prophètes d'Allah Azza wa Jal sont les modèles, ce sont les exemples, ce sont les plus véridiques parmi les gens. Ce sont ceux qui préservent au mieux les droits d'Allah et qui craignent au mieux Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que chaque prophète, avant qu'il soit prophète, avant qu'il reçoive la vérité, la révélation, il est connu dans son peuple en étant véridique. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل الوحي بالصادق الأمين. Notre prophète عليه الصلاة والسلام, comment l'appelait Quraysh? Il l'appelait le véridique, l'homme de confiance, le véridique, l'Amin, صادق, avant la révélation. وقال عز وجل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إليه إلى ما أنهاكم عنه. فالنبي prophète d'Allah عز وجل comme il est dans le verset, je ne veux pas être en divergence avec les choses que je vous interdis. Et là, ce que vous interdis, ce que je vous interdis, il est interdit aussi pour moi. La même chose. C'est-à-dire que leur parole va de pair avec leurs actes. Ils ne disent pas des choses, ils font autre chose. Loin de là. فالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء ما كانوا يريدون مخالفة ما يقولون ولذلك يجب علينا وعلى الدعاة ألا تخالف أقوالهم أفعالهم. فعيب على الإنسان وعلى الداعية أن يقول الربا حرام وهو يأكل الربا. وعيب على الداعية وعلى المسلم أن يقول للناس حلق اللحية حرام وهو يحلق لحيته. وعيب أن يقول كذا وهو يفعل ما. والناس في زماننا هذا أحوج إلى قدوة وإلى مثال فلهذا يتأثرون بالفعل أكثر مما يتأثرون بالكلام. فإذا رأوا خطيبا مثلا مفوها ويأتي بخطب رنانة وكذا وكذا وأتوا إلى المعاملة معه فيصدمون لا وفاء ولا صفاء ولا شيء من هذا القبيل. ف القضية صعبة، فهذا يكون أنه يدعو إلى الجنة بقوله ولكن بفعله يدعو إلى الوعيد الشديد من الله عز وجل. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام ne cherchait pas à être en divergence avec ce qu'il disait. Et jamais ils étaient en divergence avec ce qu'ils disaient ou ce qu'ils ordonnaient. C'est pour ça qu'il appartient à ceux qui prêchent et aux musulmans en général que leurs paroles ne soient pas en divergence avec leurs actes. C'est mauvais que quelqu'un qui prêche et un musulman en général dit que riba c'est haram et lui il baigne dans le riba. Très mauvais. Comment est-ce hein? C'est très mauvais pour quelqu'un qui dit aux gens hein, se raser la barbe c'est haram et lui il se la rase. C'est mauvais aussi qu'il dit les femmes n'ont pas à sortir hein, exhiber, ils doivent mettre le hijab et sa femme il sort son hijab. Hein? Car les gens maintenant ils sont atteints plus par le comportement et par les actes de la personne plus que par les paroles. Des fois ils voient un khatib qui est excellent dans la parole, qui a de l'éloquence, qui les atteint, etc. Mais après, ils ont des transactions commerciales avec, ils sont déçus. Ils leur vendent une voiture avec plein de défauts, ils leur cachent les vis de la voiture. Hein, il n'est pas digne du dépôt qu'on lui a confié, et ainsi de suite. Celui-là, par ses paroles, il appelle vers le paradis. Mais par ses actes, plutôt il appelle vers les avertissements. Hein? Donc il ne sait pas aux musulmans en général à avoir une divergence avec ses paroles et celui qui prêche encore moins فعيب على الانسان داعيا كان او مسلما يكون الكذب حرام ويكون هو اول كذاب. Il est très mauvais pour quelqu'un qui dit aux gens le mensonge est haram et c'est le premier qui ment. فهذه بعض مزايا دعوة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه ويكون موقفنا في عند هذا الحد إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا